Les Égyptiens s'apprêtent à élire le successeur d'Hosni Moubarak lors de l'élection présidentielle historique, dont le second tour est prévu le 16 et 17 juin 2012. Même si les révolutionnaires continuent à se battre pour que le printemps égyptien porte enfin ses fruits, c'est un peu la douche froide, car les Égyptiens font face à, et Égyptiennes font face à une situation politique difficile entre, d'une part, la crainte d'une islamisation du pays et, d'autre part, le maintien au sommet du régime Moubarak. Alors, pour faire un retour de fait, à l'issue du premier tour de ce scrutin historique a eu lieu les 23 et 24 mai 2012. La commission électorale égyptienne a annoncé les résultats définitifs du premier tour de la présidentielle, ayant opposé 13 candidats à la présidence de la République. Selon les résultats, le candidat des Frères musulmans, Mohamed Morsi, qui a recueilli près de 25% des suffrages au premier tour, suivi de très près par le candidat Ahmad Shafik, dernier premier ministre de Hosni Moubarak, qui a obtenu, lui, près de 24% des voix. Maintenant, le second tour est prévu pour les 16 et 17 juin prochains, où plus de 50 millions d'électeurs inscrits devront faire leur choix entre ces deux candidats qui, je souligne, n'ont jamais été à l'origine du mouvement révolutionnaire, mais qui ont multiplié ces derniers jours les promesses de préserver les acquis de la révolution et assurer qu'ils gouverneraient au nom de tous les Égyptiens dans l'espoir d'élargir leur base électorale. Mais ici, on peut constater que le paysage politique en Égypte ne se réduit pas à ces deux extrêmes et les révolutionnaires de la place Tahrir ne se reconnaissent probablement pas à travers ces deux candidats en lice pour le second scrutin présidentiel du 16 et 17 juin prochain. De fait, des milliers de personnes ont manifesté sur la place publique Tahrir depuis le 5 juin dernier pour protester contre le verdict, d'abord jugé trop clément envers Hosni Moubarak et l'impunité en raison du blanchiment des responsables de la répression commise par les proches du président déchu. Mais encore, la manifestation a eu aussi l'objectif de contester la qualification d'Ahmed Shafik, ancien du régime Moubarak, et réclamer l'application de la loi qui le disqualifierait au second tour de cette élection présidentielle qui doit se tenir, je rappelle, les 16 et 17 juin prochains. À ce titre, et de haute importance pour le devenir du processus électoral, demain, en théorie, le 14 juin 2012, la Haute Cour constitutionnelle devrait se prononcer sur la candidature d'Ahmed Shafik, l'un des deux candidats qualifiés pour le second tour de l'élection présidentielle, en plus de Mohamed Morsi, le candidat des Frères musulmans. Je rappelle ici qu'en tant qu'acte ex-premier ministre de Moubarak, Ahmed Shafik n'aurait pas dû se présenter au premier tour en vertu d'une loi prévoyant que les anciens membres du régime Moubarak soient privés de leurs droits civiques pendant 10 ans. Cependant, Ahmed Shafik, un temps disqualifié, avait fait appel et avait gagné le droit de se présenter, arguant de l'anticonstitutionnalité de la loi. Ainsi, l'affaire est devant la Haute Cour constitutionnelle qui doit se prononcer, je rappelle, dès demain, le 14 juin 2012, soit 2 jours seulement avant le second tour du scrutin présidentiel en Égypte. Alors, de plus, durant la manifestation qui a eu lieu, cette manifestation du 5 juin dernier, deux candidats déçus du premier tour, le représentant nationaliste Hamdid Sabahi, et l'islamiste modéré Abdel Monim Abdul Fatou ont réclamé la suspension complète du processus électoral. Ils demandent par ailleurs la création d'un conseil présidentiel incluant plusieurs figures de la Révolution afin de remplacer l'actuel conseil suprême des forces armées du maréchal Hussein Tantawi à la tête du pays depuis la chute de Hosni Moubarak le 11 février 2011 et qui a promis de rendre le pouvoir aux civils avant ce 1er juillet prochain pour le nouveau une fois le nouveau président élu. Alors voilà, la semaine prochaine, nous commenterons plus en profondeur les résultats de l'élection, de cette élection présidentielle qui aura lieu en Égypte le 16 et le 17 juin prochain. Je rappelle que vous écoutez Amandla, une émission bilingue d'analyse politique et d'information produite par le groupe de recherche et d'initiative pour la libération de l'Afrique, diffusé à CKUT chaque mercredi 19h au 90,3 FM. Cette philosophie qui fait une race supérieure.